êtes par ego. Tout ce qui nous intéresse dans ce rap, c'est les lobes. Ils volent sur nous, ces fils d'eux. On va leur forcer le respect comme Zidane. Je défonce la porte, je sonne pas quand j'arrive dans le game. Fonce ton VIP, j'échange, prends mon billet et je plaide. J'ai un aveu vers la hala hala hala. Tu plonges dans ses yeux, dans son pouce, c'est la noyade. Elle veut des bibes et elle s'en donne les moyens. Laser me frappe, je rends les coups. Mes frères ont tous un passé qui fait rap. On t'en fait tout pour le tout. Tout à gagner, rien à perdre. Et toi, vive votre rythme, dans les blocs, c'est mort. J'écoute tes mythes, toutes vite, depuis que j'en rigole. J'suis à loup, j'ai aiguisé mes chicots. Ma nègre, c'est sans son évase. Skinny, mais ça prend les balles. Consiglio, miseria sta luego. Algero marocchino, con più bene per un miglio. Vestiaci palatino, e adesso l'archino. Guarda in casa fuia di clapones, non si sole in sole, già si sta sosses. Andete esame, c'è un riscalf, va a bordè, sta sotto il barbaccio, la with ballon. La mordia, chi si vorca, la fiascia, la fria, zorca. Yemma, yemma, buena dollar, yemma, yemma, che mi na boca. Well, well, well, mala shal Christy, well, well, well. Saf, saf, saf, basta al baida whisky, saf, saf, saf. Je t'ai un fouya, baba, habibi, mama, b'gilbi, b'gilbi. Boudé, yana, l'amre, hubbi, hubbi, hubbi, hubbi. Fluchi, ma kira, j'l'mer, wala, j'hala, di, ma j'l'soukwada. N'ja, ya, j'al, waqt, alik, s'babak, b'l'maqtik, j'mouj, b'la, jada. Papa, papa, galli, wizi, amma, t'es pas, j'baqi, nasin. ارمس في جلي عقلي يد البانا اشهد بلاد جم زيك سكبانا كميك كميك كميك كميك كميك كميك كميك كميك كميك كميك كميك كميك دران دران كيرا رولي رولي ميغو ملي كون سيرا ميزوري استر ويغو اجيه مالكينا فوق الفيلة فرمينا.